out to you and sees the shine. Later they leave, they cross my big breast bed. There was a man for a while. I need the drums. I need drums. Excuse-moi Armand, en fait il le faut à 75 de beat. Vous avez compris le truc, en fait c'est complètement con. Hein. Couplet, c'est ça quoi. Il y a juste le chorus qui fait. Bah, le refrain. Ça fait du ré, ré, mi, sol. Ré, mi, sol, transposé un ton au-dessus quoi. Do, fa dièse, et la, quoi. Voilà. Simple, hein. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Bah non, tu vas pas te cacher, quand même. Marcello or Storman, please. My key is out. Is can you put it in 80 BPM, please?